cette semaine d'Auschwitz à Francfort. Seid Menschen. Un homme Menschen. En révolte. Menschen. Deutschland ist heute stolz, die Heimat Goethes und Beethovens zu sein. L'Allemagne est fière d'être la patrie de Goethe et de Beethoven. Toutefois, l'Allemagne est aussi le pays d'Hitler, d'Eichmann et de leurs nombreux acolytes et complices. Im Oberlandesgericht Braunschweig wurde ein Prozess gegen den ehemaligen Generalmajor Rehmer geführt. In alten Zeiten. En des temps plus reculés, les Allemands n'étaient absolument pas prêts à obéir aveuglément à leur souverain. Dans les ouvrages de droit écrits au Moyen Âge, on peut encore trouver cette phrase fondamentale : en pays allemand, chacun est tenu de résister à son empereur ou à son roi si ce dernier commet des injustices. Comment un homme seul a pu peser sur la reconstruction de la justice dans son propre pays? C'est en nous intéressant à Fritz Bauer que nous pourrons en trouver l'illustration. Quelques éléments biographiques pour commencer. Fritz Bauer est né dans une famille souabe le 16 juillet 1903 à Stuttgart. Après des études de droit et d'économie, il commence sa carrière dans sa ville natale. À 26 ans, il est le plus jeune magistrat dans l'Allemagne de l'Ouest. Dans les années 1944-1945, Fritz Bauer écrit un ouvrage intitulé « Les criminels de guerre devant la justice ». Dans ce livre, Fritz Bauer fait apparaître son point de vue. Les Allemands qui ont combattu le nazisme ont la mission de traduire en justice les criminels de guerre. Ce n'est pas le rôle des alliés vainqueurs, référence au tribunal de Nuremberg. Pour Fritz Bauer, ses opposants au régime nazi auraient dû siéger dans les tribunaux pour juger leurs compatriotes et prononcer les peines au nom du droit et de la justice. Mais Bauer reste persuadé que le droit qui prévaut alors n'est pas l'instrument adéquat pour juger ces crimes. Pour lui, et il est assez isolé sur ce plan, seul un droit rétroactif, nouveau, on peut dire révolutionnaire, un droit nouveau serait requis, seul habilité à statuer sur des crimes sans précédent, les crimes des nazis. Dans un entretien conduit par Jean-Louis Georget, chercheur au centre Georg Simmel, et Bérénice Zunino, maître de conférence à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, auprès du chercheur Werner Renz, directeur des archives de l'Institut Fritz Bauer, celui-ci précise, je cite, « Pour Fritz Bauer, le plus important n'était pas la condamnation des criminels, mais la démonstration de la responsabilité individuelle des personnes impliquées. En d'autres termes, Fritz Bauer souhaitait que cette entreprise judiciaire confronte les Allemands à leurs crimes. Selon lui, les procès auraient dû revêtir une fonction pédagogique en leur montrant que l'on doit résister à un état de non-droit, « ein Unrechtsstaat », et à une politique criminelle. Il espérait ainsi immuniser les Allemands contre leur propension à la piété envers les lois et au respect aveugle de l'autorité. Fin de citation. En 1949, Fritz Bauer revient en Allemagne. Dans un documentaire de la Südwestfunk datant de 1966 et intitulé « Les migrants, patriote ou traître ?» point d'interrogation, Fritz Bauer répond à la question « Pourquoi êtes-vous revenu après avoir émigré ?» Als der Krieg zu Ende ging, Stalingrad war für uns das Symbol des Krieges. Vers la fin de la guerre, car Stalingrad a été pour nous le symbole que la guerre arrivait à son terme, les émigrants politiques se sont réunis à Stockholm, où je me trouvais, pour former des groupes de travail qui ont œuvré jour et nuit. On se préoccupait de la nouvelle Allemagne. Elle était l'objet de nos rêves. Nous rêvions d'une Allemagne nouvellement reconstruite. À la fin de la guerre, nous avons logiquement voulu réaliser ce que nous avions rêvé avec idéalisme et, peut-être, avec un trop grand optimisme. Contribuer à créer cette Allemagne différente. C'est la raison pour laquelle je suis revenu. Autre question posée à Fritz Bauer, revenir a-t-il été synonyme de regret ? Ich bin zurückgekehrt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht bereut. Ich glaube, hier besteht eine Aufgabe und ich hoffe, dass der Versuch, die Aufgabe zu lösen, denn sie ist noch nicht gelöst. Sincèrement, je ne l'ai pas regretté. On se trouve devant une tâche à accomplir et j'espère que la tentative pour en venir à bout aboutira, parce qu'on n'y est pas encore parvenu. J'espère que nous arriverons à faire un petit pas dans la bonne direction en entraînant des jeunes gens à notre suite pour créer une nouvelle Allemagne, une Allemagne de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité et de paix entre les peuples. Une tâche à accomplir. De quoi s'agit-il ? Faire traduire en justice les responsables nazis. 1948, c'est le début de la guerre froide. Les puissances alliées, États-Unis, Royaume-Uni et France, occupent la partie occidentale de l'Allemagne. Elles décident de doter l'Allemagne de l'Ouest d'une constitution. Des premiers documents sont transmis dès le mois de juillet 1948, par les gouverneurs militaires aux ministres présidents des différents Länder. Sur ces documents sont précisées les conditions à remplir en vue de la prochaine constitution. Dès le mois d'août 1948, une première ébauche est rédigée avant qu'une convention de représentants des différents Länder ne se réunisse dès le mois de septembre à Bonn. Il faudra plusieurs mois et des discussions tout autant laborieuses que houleuses pour qu'enfin un texte soit adopté le 12 mai 1949. Quelques semaines avant la promulgation de la loi fondamentale, Fritz Bauer est nommé procureur général à Braunschweig, puis quelques années plus tard, procureur général du Land de Hesse. C'est de là qu'il va initier les procès de Francfort, connus sous le nom des gardiens d'Auschwitz. En 1961, depuis son bureau de procureur général, il s'exprime au micro d'Erwin Leiser. Deutschland ist heute stolz auf sein Wirtschaftswunder. Es ist auch stolz, die Heimat Goethes und Beethovens zu sein. Aber in Deutschland ist auch das Land Hitlers, Eichmanns und ihrer vielen Spießgesellen und Mitläufer. Actuellement, l'Allemagne est fière de son miracle économique, tout comme elle est fière d'être la patrie de Goethe et de Beethoven. Toutefois, l'Allemagne est aussi le pays d'Hitler, d'Eichmann et de leurs nombreux acolytes et complices. De même que le jour est indissociable de la nuit, l'histoire est faite d'ombre et de lumière. Je crois que la génération des jeunes Allemands est prête à prendre connaissance de toute l'histoire, de toute la vérité et de la surmonter, alors que celle de leurs parents semble avoir du mal à le faire. Wir bemühen uns in Deutschland diese Wahrheit in den Gerichtssälen und in den Schulen. En Allemagne, nous nous efforçons de rendre justice à cette vérité dans les tribunaux et dans les écoles. C'est pourquoi les procédures pénales à l'encontre des criminels qui se cachent sont capitales. Je sais qu'à l'étranger, on nous reproche, entre autres, d'avoir perdu un temps précieux. C'est possible. Je crois toutefois qu'il n'est pas trop tard. Maintenant qu'en Allemagne, nous avons gagné un certain recul, de nous pencher sérieusement sur les faits et de nous questionner sérieusement sur les raisons qui ont conduit à la catastrophe morale des années 1933 à 1945. Il faut que nous, les Allemands, parvenions à en faire véritablement le procès et pas uniquement celui d'Eichmann et de ses semblables. Il convient de faire notre propre procès, celui de notre histoire, de notre histoire nationale et de nos vies privées. Je crois que ce processus nous permettra d'apprendre deux ou trois choses. In alten Zeiten waren die Deutschen keineswegs zu blindem Gehorsam gegen ihre Herrscher bereit. En des temps plus reculés, les Allemands n'étaient absolument pas prêts à obéir aveuglément à leur souverain. Par la suite, ils ont été bien trop nombreux ceux qui se sont accommodés de la phrase « les ordres sont les ordres ». Je crois que nous, les Allemands, devons réapprendre, comme le dit si bien la Bible, à écouter davantage Dieu que les hommes. Ich glaube auch, dass wir in unserer deutschen Geschichte uns oft ein falsches Bild von Stärke und Größe gemacht haben. Je crois aussi que dans notre histoire allemande, nous nous sommes souvent forgé une conception erronée de ce qu'était la force et la grandeur. Trop souvent, nous avons confondu la force avec la violence, la puissance avec la dureté, voire parfois même avec la brutalité. Alors qu'à mon sens, la véritable force signifie avant tout acceptation et tolérance. Acceptation et tolérance envers tout ce qui porte visage humain, vivre et laisser vivre, n'est ni un aveu de faiblesse, ni de l'humanitarisme. Qui est donc cet homme qui tient de pareils propos ? Fritz Bauer est né au tout début du XXe siècle, en 1903, dans une famille souabe. Quelques éléments d'éclaircissement quant à cela. Le souabe est parlé dans le Württemberg, dont la capitale, Stuttgart, est précisément la ville d'origine de Fritz Bauer. En souabe, Stuttgart se dit et s'écrit Stuttgart. On parle également le souabe en souabe, département occidental de l'État de Bavière, dont la capitale est Augsbourg. C'est Napoléon qui a rattaché une partie de l'ancien duché de Souabe au royaume de Bavière. Les Souabes parlent donc allemand avec un accent particulier, plutôt très prononcé, au point que certains autres Allemands ont du mal, affirme-t-il, à les comprendre. En Allemagne, on a recours au verbe schwäbeln pour dire parler à la souabe. Les souabes assument et affirment les souabes savent tout faire, sauf parler le Hochdeutsch. Peut-être un élément à ajouter dans ce qui va tenir lieu de solitude concernant Fritz Bauer. Qui est donc cet homme ? Pour mieux le connaître, il nous faut plonger dans ses propres souvenirs. Souvenir qu'il confie à la Westdeutsche Rundfunk en 1967 au micro de Renate Arpnecht. Herr Dr. Bauer, Sie haben ein sehr bewegtes Leben gehabt und es liegt nahe, gerade Sie über die Dinge der jüngsten Vergangenheit und auch Monsieur Bauer, vous avez eu une vie très mouvementée et l'évidence voudrait qu'on vous pose des questions sur le passé récent et sur l'actualité. J'aimerais néanmoins vous demander quels souvenirs vous gardez de votre prime jeunesse. Ja, ich glaube mich erinnern zu können an die Zeit, in der meine Schwester geboren wurde. Ich glaube, dass ich das früheste Erlebnis, das ich gehabt habe, das ich jedenfalls datieren kann. Eh bien, je crois me souvenir de la naissance de ma sœur. Je crois qu'il s'agit de mon premier souvenir, du moins d'un souvenir que je peux dater. J'avais 2 ans et environ 9 mois. Je me trouvais alors chez mes grands-parents à Tübingen, là où ma mère était née et où elle avait vécu. Je me souviens très précisément d'un soir où ma grand-mère m'a dit « Fritz, nous allons partir pour la place du marché de Tübingen. Prends un morceau de sucre dans le garde-manger. Tu iras le déposer sur la margelle de la fontaine du marché. » Empli de curiosité, j'ai posé le morceau de sucre sur le bord de la fontaine de la merveilleuse place du marché de Tübingen et le lendemain matin, ma sœur était née. J'imagine que tout cela avait été très bien mis en scène parce que ma sœur était déjà née. Au moment où j'ai déposé le morceau de sucre, on m'avait prédit une petite sœur. J'avais donc 2 ans et 9 mois. Je ne me souviens pas vraiment d'événements plus tardifs. C'est déjà suffisamment étonnant que la naissance de ma sœur m'ait fait une si grande impression. D'ailleurs, moins pour l'arrivée d'une sœur que pour le rituel du sucre et de la cigogne. Et surtout le fait que vous aviez 2 ans et demi. Wenn die Familie mit ihren Kindern in die Sommerfrische ging, die Sommerfrischen haben einen tiefen Eindruck gemacht. En tout cas, c'est un événement que je peux dater avec précision. Par la suite, je me souviens uniquement de ma période d'écolier, quand ma famille et nous, les enfants, partions en villégiature. Ces vacances estivales constituent un souvenir marquant. Puis, je me souviens encore d'un autre événement qu'on pourrait qualifier d'expérience primordiale et qui me revient sans cesse en mémoire. À la fin de ma première année d'école, mes parents nous avaient emmenés, ma sœur et moi, dans un hôtel de Baden-Baden, situé un peu à l'écart de la ville. C'est là, à l'époque, que j'avais reçu l'injonction de mes parents de tenir un journal. Je me souviens encore de ce cahier d'écolier qui était entouré d'une reliure d'un bleu très vif. Le petit garçon que j'étais alors et qui était à l'école depuis une année seulement devait écrire son journal tous les jours après le repas de midi. J'y consignais des considérations pleines d'esprit comme « Margot et moi sommes allés nous promener. Nous avons cueilli des pâquerettes. Elles étaient très jolies. Nous les avons mises dans un vase. » ainsi que d'autres remarques d'importance capitale. Et puis, je me souviens qu'une fois, j'ai quitté la tonnelle de cet hôtel, mon journal intime à la main, pour aller vers ma mère. Je suis retourné très récemment à Baden-Baden. J'ai cherché cet endroit et je l'ai retrouvé. Je revois l'endroit précis où ma mère était assise. Je me suis donc dirigé vers elle et je lui ai demandé « Maman, qu'est-ce que Dieu en vérité ?» C'est la question qui préoccupait le petit garçon de 6 ans et demi ou 6 ans 3 quarts que j'étais alors. Je me remémore exactement, parce que je revois clairement la scène, ce que ma mère avait répondu. « Je ne peux pas te le dire, je ne pourrai peut-être jamais, mais il y a une phrase dont il faut que tu te souviennes, car elle te servira tout au long de ta vie. » Je n'ai jamais oublié cette phrase. Elle dit « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. » En sondant ma mémoire, je retrouve ce souvenir qui ressurgit isolé de mon passé. Ces mots m'ont marqué si profondément qu'ils sont devenus la devise de toute mon existence. Par la suite, ils ont influencé l'ensemble de mon activité professionnelle, certainement aussi mes convictions politiques, ainsi que tout ce que j'essaie de penser et de mettre en œuvre aujourd'hui. Guter Mond, du hast doch nichts gesehen, wenn wir spazieren gehen heute Nacht. Guter Mond, seitdem es sowas gibt, bist du ja selbst so verliebt. Hast lauter Engel bei dir, mit Sternen im goldenen Haar, aber der Engel bei mir ist doch so wunderbar. Guter Mond, nur du allein darfst sehen, was noch geschehen heute Nacht. En 1961, Fritz Bauer s'exprime au micro de Renate Arpnecht. Herr Dr. Bauer, Sie kommen, wenn ich es recht verstehe und höre aus einer stockschwäbischen. Monsieur Bauer, d'après ce que j'entends et si j'ai bien compris, vous venez d'une famille souabe pur sucre. Quelle éducation avez-vous reçue? Très conservatrice? Die Familie war brav und bürgerlich, mittelbürgerlich, wie man heute soziologisch sagen würde. Ma famille était gentille et bourgeoise. de culture bourgeoise, comme le diraient les sociologues aujourd'hui. J'ai été éduqué de façon assez stricte par rapport à la norme actuelle. À mon avis, c'est David Riesmann, dans son livre « La foule solitaire », qui a exprimé le mieux ce qu'était l'éducation au début du siècle. David Riesmann en décrit le fondement. Il fallait développer sa boussole intérieure. Ma mère et mon père m'avaient expliqué que c'était toujours à moi de savoir ce qui est juste. Sans jamais le formuler à haute voix, on en appelle toujours implicitement à l'impératif catégorique de Kant. Personne ne se souciait vraiment de la façon dont un jeune résolvait ses problèmes. On était livré à soi-même, ne fût-ce que sur ce plan, c'était une éducation assez dure. Elle était certainement meilleure sur bien des aspects que l'éducation actuelle, au sens de David Riesmann, où l'on éduque de façon conformiste. Fais exactement ce que les autres font. Suis la mode, suis les grands courants dans le monde, suis ce que Riesmann appelle le « peer group ». À l'époque, on faisait appel au sentiment de responsabilité personnelle des jeunes. Rétrospectivement, c'était une tâche ardue, gigantesque qu'on attendait des jeunes. Une tâche qu'ils peinaient à maîtriser. Vous avez des souvenirs de la Première Guerre mondiale ? Je m'en souviens assez clairement. À cette époque, j'avais 11 ans. Je peux vous raconter une anecdote qui est vraiment significative. Elle est probablement représentative de la majorité de la bourgeoisie allemande, de son optimisme démesuré à l'égard du progrès, à peine croyable de nos jours. La famille Bauer avait décidé, en 1914, probablement un ou deux mois avant le début de la guerre, fin juillet, de partir séjourner en Belgique, à Blankenberg. L'hôtel était réservé. Il y avait mon père, ma mère, moi qui avais 11 ans, et ma sœur, 8 ans. On avait prévu ses vacances et on faisait comme on avait décidé. In der Zwischenzeit war der Mord in Sarajevo geschehen. Es zogen die schwärzesten Wolken am Himmel auf. En y repensant aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de penser qu'entre-temps, il y avait eu l'attentat de Sarajevo. Les nuages les plus sombres se profilaient à l'horizon et la presse devait être remplie des craintes de la guerre. Pourtant, mes parents lisaient les journaux, en tout cas le journal de Francfort. Mais tout ça n'a pas ému la famille Bauer. Je me souviens encore de mon père disant « Au XXe siècle, il n'y aura pas de guerre. C'est tout à fait impossible. Nous sommes des gens évolués. C'est impossible qu'il y ait la guerre. » Ma famille a donc mis ce qu'elle possédait dans 4 ou 5 grandes valises de l'époque avant de se mettre en route pour Blankenberge. Nous y sommes probablement arrivés le 27 ou le 28 juillet. La presse devait se faire l'écho des craintes d'une guerre imminente. Et pourtant, la famille Bauer n'était certainement pas la seule à se rendre à Blankenberge ou à Ostende. Je me souviens que ma mère rêvait d'aller à Ostende parce que c'était les débuts du tango et que ma mère voulait absolument voir du tango. Alors que ma mère, en robe moirée, se consacrait au tango, ma sœur et moi ramassions des étoiles de mer sur la plage. Ces étoiles de mer vont tout de suite avoir une certaine importance. Il faut savoir qu'elles n'étaient pas mortes, mais bien vivantes. Elles avaient la consistance des méduses. Elles étaient charnues, mouillées, salées et pleines de sable. Le soir, peu après être rentré d'Ostende à Blankenberge, dans le grand hôtel immense où nous logions, nous nous sommes assis à la table d'hôte renommée où tous les touristes célébraient un mariage. Tout d'un coup, mon père a quitté la table, précipitamment. Tous les hommes se sont rassemblés autour d'une feuille de papier rouge. En revenant vers nous, mon père a dit « C'est la guerre ». Soudain, c'est l'effroi. On apprend qu'un dernier train rentre demain de Blankenberge en Allemagne. Nous sommes rentrés le lendemain. La famille était sonnée. Toutes les certitudes du XXe siècle venaient de voler en éclats. C'était la guerre. Alors que nous étions arrivés aux confins du pays, toute la réalité de la Première Guerre mondiale s'est révélée au moment où, à la frontière, les Allemands ont dû marcher 50 mètres pour la traverser à pied, à leur grand effarement. Je me souviens encore des gémissements et des pleurs qu'on entendait dans tout le train. Les rails avaient été arrachés sur 50 mètres. C'est ainsi que la première guerre a débuté pour moi. J'avais 11 ans. Als wir zu Hause waren, hatten wir natürlich keine Koffer und ich muss also das mehr oder minder grotesk komische Nachspiel anführen. Arrivé à la maison, les valises n'avaient pas suivi. Je tiens à vous raconter cet épisode tragicomique car, une fois de plus, il met en lumière l'optimisme de mon père et de ma mère. Les immenses valises étaient évidemment restées à Blankenberge. Mes parents étaient convaincus que la puissance de guerre allemande réussirait rapidement à conquérir la Belgique. La victoire sur la Belgique signifiait évidemment le rapatriement des 4 ou 5 immenses valises de la famille Bauer. Personne ne doutait que nos vers de gris arriveraient à rapatrier nos valises. Et comment cette histoire s'est-elle terminée? Der Glaube der Bauers an die Eroberung von Brösel, von Antwerpen und so weiter. La foi des Bauer concernant la conquête de Bruxelles, d'Anvers, etc., et surtout la reconquête de nos valises, n'a pas été déçue. Je suppose qu'en octobre ou en novembre, on a reçu une notification des chemins de fer du Reich nous informant que nos valises étaient arrivées à Stuttgart. La famille attendait ses affaires et tout le monde était content. Mais au moment de la livraison tant attendue, la famille a pu sentir à 50 ou 100 mètres déjà que quelque chose s'était passé pendant la guerre. À l'ouverture des 4 ou 5 valises, on constata que les étoiles de mer que ma sœur et moi avions ramassées étaient décomposées et qu'elles avaient ruiné à jamais tous les vêtements, chemises, etc. qu'elles contenaient. Un exemple qui démontre clairement que toute victoire militaire comporte aussi des zones d'ombre et que, dans les faits, elle n'apporte pas ce qu'on en attendait. Demain, la suite de cette évocation de la figure de l'ancien procureur général Fritz Bauer, en compagnie d'autres archives et d'autres témoignages. Cette semaine est réalisée par Jean-Philippe Zwallen. Proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.